Bonsoir, chères auditrices, chers auditeurs. Ici Gentiane La France. Vous êtes à l'écoute de l'Aérospatiale. C'est votre radio, magazine radio sur les arts visuels à Québec. Nous sommes toujours sur les ondes de CKRL 89.1 et on a un beau programme bien chargé, plein de belles rencontres pour l'émission de ce soir. D'abord, je vais recevoir Élise Paquiri et Marie-Soleil Guérin-Girard qui sont respectivement finissantes et commissaires pour parler d'abord de la foire à dessin qui était supposée avoir lieu là, aujourd'hui, cette semaine, qui finalement est reportée la semaine prochaine, mais ça ne nous empêche pas d'en parler quand même. Et également de ce qui commence à se dessiner pour l'exposition des finissants, des finissantes du baccalauréat en arts visuels et médiatiques de l'Université Laval. Donc, je vais avoir le plaisir de m'entretenir avec ces deux dynamiques demoiselles. Ensuite, Marie-Claude Drolet nous propose de rencontrer Sophie Jacques. Sophie Jacques qui travaille à la Galerie Michel Guimond pour soutenir la direction Monsieur Michel Guimond lui-même, mais qui a également été invité dans ce fameux volet Jeune commissaire, tout nouveau pour cette édition de Manif d'art qui va débuter cette semaine. Et c'est une exposition qui s'intitule L'esprit des lieux qu'elle nous propose. Donc Marie-Claude va nous faire découvrir l'univers que Sophie Jacques a développé dans cette exposition-là. Et ensuite, c'est Esté Préda qui, au bout du fil, parce que tempête oblige, va nous parler un peu de son exposition qui vient de se terminer à Critérium, mais également de ses projets en cours, parce que c'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce que les artistes font en ce moment, et de découvrir également des nouveaux artistes, peut-être que vous ne la connaissez pas. Et en toute fin d'émission, je vous prépare un petit survol des périodiques de l'hiver spécialisés en arts visuels, donc les différents périodiques qui viennent de sortir. Mais pour l'instant, on va partir à la rencontre musicale de Ashwood, Bourne, Holtz, Hoogeboom et Reinicke, toujours une proposition de Simon Roy. De retour à l'aérospatiale, après l'écoute de cette pièce qui était très calmante, qui fit ou qui fit pas avec la tempête de neige aujourd'hui. Ça dépend comment, quel rapport on peut avoir avec ce type de température. Mais moi, je vous propose, chers auditeurs, chères auditrices, de prendre le temps de vivre, de ne pas rouler trop vite et de boire du chocolat chaud ou un petit thé ou quelque chose qui réchauffe le cœur et de prendre ce moment pour profiter de la lenteur qu'on peut se donner au quotidien. Mais on va arrêter de parler de vous. Maintenant, on va parler de nos invités en studio. Nous avons Marie-Soleil Guérin-Girard, bonsoir. Bonsoir. Et Élise Paquiri, bonsoir. Bonsoir. Donc, Élise, tu es actuellement dans la dernière année du baccalauréat en arts visuels et médiatiques à l'Université Laval. Et Marie-Soleil Guérin-Girard, tu es la commissaire pour l'exposition des finissants des finissantes. Je vous ai invité pour parler d'abord de la foire à dessin, mais on va en profiter aussi pour en savoir un peu plus sur où est-ce qu'on est rendu dans l'organisation de cette exposition-là, où en sont les réflexions. D'abord, Élise Paquiri, la foire à dessin, elle a été reportée la semaine prochaine. Oui, ben dû à la température, l'école a été fermée, fait que il y avait aucun personnel administratif. Du coup, on n'a pas pu la débuter aujourd'hui. Fait qu'on a préféré la décaler à la semaine prochaine, du 20 au 22 février. Ça va durer 3 jours. Puis on sera là de 10 à 17 heures à l'atrium de la fabrique. Et la foire à dessin, définissant, c'est une activité de financement pour l'exposition. C'est ça, on organise, on a déjà organisé une autre foire en automne, puis une friperie aussi, puis on cherche à développer ces événements pour financer notre expo finale qui va avoir lieu en mai. Donc c'est ça, c'est vraiment pour aider au financement. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver dans cette foire à dessin? Par exemple, toi, Élise Paquiri, qu'est-ce que tu vas vendre comme production? Oui, alors c'est beaucoup des dessins. Il y a énormément de sérigraphie puis de gravure, donc des techniques d'estampe. Mais aussi, on a des œuvres en métal qui vont être vendues, puis des petits moulages aussi. Fait que c'est des petites œuvres qui sont à des prix abordables parce que justement, on cherche vraiment comme à offrir quelque chose au monde qui soit abordable. Puis c'est ça. Donc, c'est dessin dans un sens élargi, là. Oui, c'est ça, dessin dans un sens très élargi. Ça peut être des petites illustrations. Et toi, Élise Paquiri, qu'est-ce que tu vas offrir pour cette foire dessin qui va pouvoir être achetée par les gens qui viennent vous voir? C'est ça. Moi, j'ai fait énormément de sérigraphie, puis aussi de linogravure, qui est une technique qui nous permet de créer beaucoup, beaucoup de dessins là, à partir d'une seule matrice. Puis, ouais, c'est ça, c'est comme des illustrations aussi. Et à quelle tranche de prix on peut s'attendre? Parce qu'il faut dire aussi aux auditeurs, aux auditrices qui voudraient se déplacer pour aller à la foire à dessin, c'est seulement l'argent comptant qui est accepté. Exactement, c'est uniquement l'argent comptant. Puis ça varie, ça peut aller de 4 $ pour des petits carnets jusqu'à 250 $ pour une œuvre en métal qui a été réalisée avec un laser, donc plus coûteux. Puis avec un matériel qui est un peu plus cher. Mais c'est quand même une manière d'acquérir de l'art pour des petits budgets. Et c'est pour financer, je le répète, l'exposition des finissants et des finissantes du baccalauréat en arts visuels et médiatiques de l'Université Laval. Et la commissaire cette année, c'est Marie-Soleil Guérin-Girard qu'on a avec nous. Marie-Soleil, comment s'est passée cette rencontre-là? Comment les étudiants t'ont choisi, toi, pour devenir commissaire? En fait, moi, je suis étudiante à la maîtrise en histoire de l'art à l'Université Laval, mais en parallèle, depuis les 4-5 dernières années, j'occupe aussi le poste de responsable des montages d'exposition à la salle d'exposition du pavillon Desjardins de l'Université Laval. Donc, à travers ces dernières années, j'ai vu énormément d'artistes passer. Et dernièrement, je travaillais avec Annabelle Guimont, qui expose présentement à l'Université Laval. Oui, on en parlait la semaine dernière. Justement. Et quand je faisais des tests avec elle durant l'automne, elle me suggérait comme ça si j'avais envie de devenir leur commissaire, qui se cherchait quelqu'un. Donc, j'ai rencontré d'autres étudiants. Ils ont passé au vote à travers leur association. Et puis, finalement, en décembre, 25 décembre, en fait, on m'a annoncé que j'étais leur commissaire. L'élu, le jour de Noël. Oui, l'élu. Donc, c'est comme ça que cette miraculeuse rencontre s'est passée. Un miracle de Noël. Donc, Marie-Soleil Guérin-Girard, t'as vraiment une expérience très pratico-pratique de l'exposition. Oui. C'est quand même une bonne ressource pour les étudiants, on s'entend. Oui, oui, énormément. Là, mes mains montrent les différents montages que j'ai faits à travers les années. Là, c'est beaucoup de travail manuel. Donc, je pense que ça peut être un super atout pour ces étudiants-là d'avoir quelqu'un qui est assez expérimenté avec différents processus d'accrochage, d'exposition, de mise en espace aussi. Donc, j'ai vraiment hâte au moment de l'exposition. On a tous hâte. Oui, on a tous hâte. Mm-hmm. Et celle-ci va avoir lieu du 24 au 31 mai 2019. À noter à vos agendas maintenant. D'accord, ça s'en vient. Tu me donneras les dates après l'entrevue. Parfait. Je vais noter ça dans l'agenda de l'aérospatial. On va pouvoir l'annoncer d'avance. Et la réflexion commissariale, parce que un commissariat, ça vient également avec une réflexion. J'imagine que c'est pas encore abouti. On a le temps aussi de réfléchir. Mais est-ce que tu peux nous donner un peu des indices, Marcella Guérin-Gérard, où en es-tu rendue avec qu'est-ce que tu as appréhendé du travail des étudiants? Qu'est-ce qui en ressort? Oui, ben en fait, j'ai rencontré tous les étudiants pour parler de leur pratique. Puis ce qui est très intéressant, c'est que la cohorte de cette année, il y a une très grosse cohésion à travers les thèmes qu'ils partagent chacun entre eux. C'est des thèmes qui vont beaucoup toucher les préoccupations humaines. Donc, tout ce qui est par rapport à l'identité personnelle, l'identité des corps, mais aussi la place des corps dans l'environnement, dans la société, l'histoire des gens également. Donc, c'est une exposition qui, d'après moi, risque de présenter beaucoup de travaux touchant à ce qui nous entoure, nous, en tant qu'humains, maintenant, au 21e siècle. Donc, j'ai bien hâte, là, mais je veux pas en dire davantage. Mais non, il faut laisser le mystère planer. Et toi, Élise Paquiri, est-ce que ces questions-là du corps, de l'identité, t'intéressent dans ta pratique? Oui, elles reviennent beaucoup. En fait, je me sers de symboles qui appartiennent aux cultures ancestrales ou justement aux civilisations ancestrales aussi, puis j'essaye de les remanier puis les réintégrer dans un contexte plus contemporain. Je questionne beaucoup justement l'identité, le féminin, le féminisme, la femme, puis c'est ça, en fait, toutes mes œuvres essayent de témoigner de cette émancipation de la femme. C'est très récurrent. Donc, très intéressant. On a très, très hâte à l'exposition définissant-finissante du baccalauréat en arts visuels et médiatiques de l'Université Laval. Et si on veut que ça soit une réussite, on va à la Foire à dessin. La semaine prochaine, c'est quoi les dates? Est-ce que tu peux nous rappeler, Lise? Oui, c'est de 10 à 17 heures, puis ça commence le mercredi 20 février, ça finit au vendredi 20 février. Merci beaucoup. Et nous, on part en pause musicale. Et au retour, je m'entretiens avec Esté Préda. On va cesser cette pièce audio qui peut vous heurter un peu les oreilles, mais qui peut nous faire penser à des voitures qui dérapent. Alors faites attention sur les routes, chers auditeurs, chères auditrices. Je me suis trompée avant la pause. J'avais prévu Esté Frida, mais finalement, c'est Marie-Claude Drolet et Sophie Jacques qui sont en studio avec moi. Bonsoir les filles. Bonsoir. Marie-Claude Drolet, tu nous présentes Sophie dans le cadre du volet Jeune Commissaire. Sophie Jacques a commissarié l'exposition L'Esprit des lieux à la galerie Michel Guimond et oui. On a très hâte d'en savoir plus. Oui, donc voilà, bonjour Sophie. Bonsoir. Bonsoir. C'est ça, je t'ai invitée ce soir pour parler de ton expo, donc L'Esprit des lieux, expo collective qui dont le vernissage va avoir lieu samedi prochain. Oui, dans le cadre, entre autres, de toute la grande tournée en autobus, là. Des vernissages du samedi du 16. Oui. Tu fais partie des 12 commissaires de la relève invités pour le volet Jeune Commissaire. Ça fait longtemps que tu sais que tu vas commissarier cette exposition-là? Oui, en fait, ça fait depuis, disons, l'hiver, printemps dernier. Là, j'essaie de me rappeler exactement. Oui. On le sait depuis longtemps quand même. On était approchés par les gens de la manif, donc on était très contents. Puis donc, ça se prépare d'avance, mais en même temps, puisque c'est toutes des pièces inédites qu'on présente, à l'exception peut-être d'une, okay. Ça s'est développé encore jusqu'à très... C'est tout récent, certaines pièces, là, donc même si on le sait d'avance, ça se termine tard. Oui, bien, d'abord, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience de commissariat? Je sais que c'est ta deuxième expérience de commissariat. Oui, deuxième expérience officielle. Donc, la dernière remontait à 2015. Oui. Comment ça s'est passé? Bien, ça s'est passé très bien. Je travaille avec des artistes là, qui m'ont bien soutenue, qui m'ont offert des pièces là, vraiment superbes, intéressantes. Il y a beaucoup de couches à découvrir, de sens à décoder. Donc, je suis vraiment comblée à ce niveau-là. On a des artistes de la galerie qu'on représente. Oui. Donc, l'expo est à la galerie Michel Guimond, où moi, je travaille là, permanent. Mais on a aussi deux artistes invités. Donc, ça, c'était agréable aussi là, d'inviter des gens de l'extérieur qui, habituellement, n'exposent pas dans ces lieux-là ouais. pour venir compléter l'offre. C'est qui les artistes invités? Donc, les artistes invités sont Cara Derry et Olivier Roberge. Mm-hmm. Puis par rapport à la ligne directrice de ton projet de commissariat, donc comment tu as abordé le thème de la manif qui est si petit entre les étoiles? Oui, en fait, moi, je trouvais ça très... Ben, je voulais parler de quelque chose d'assez personnel, puis je voulais laisser aussi beaucoup de place aux artistes pour créer quelque chose qui leur parle à eux, pas avoir être trop contraignante, là, disons, dans une ligne directrice. Mm-hmm. Puis pour ça, je voulais parler de quelque chose d'identitaire. Donc, j'ai travaillé à Rimouski quelques années, et je trouvais ça tellement drôle comment les gens se définissent beaucoup aussi là par le territoire. Par exemple, quelqu'un m'a dit que quelqu'un qui a grandi sur à Rimouski a déménagé à cette île, donc de l'autre côté du fleuve. Mm-hmm. Et durant ces 7-8 années-là à cette île, elle avait toujours l'impression qu'elle était du mauvais bord. Le fleuve était du mauvais bord dans sa tête. Où est-ce qu'elle regardait? Il était comme pas dans la bonne direction. Ou quelqu'un qui me parle de l'Abitibi, puis on parle de quand est-ce qu'on s'est mis à aller le visiter, puis elle était comme là, c'est mieux d'éviter... L'été, il y a beaucoup de mouches, mais tu sais, moi, je suis une fille de la forêt, je suis une fille, tu sais, là-bas, fait que ça va. Fait que les gens sont beaucoup, sont beaucoup imprégnés des lieux qui les habitent. Oui, puis ça vient avec un mode de vie aussi. Ça vient avec un mode de vie où les gens qui ont toujours habité avec sur le côté de l'eau ou dans le fjord ou le fleuve, c'est des gens qui sont habitués à avoir un horizon. Oui. Avoir un regard qui se perd au loin. Donc, quand on les met en ville, ça peut faire vraiment une confrontation. Donc, tous ces aspects-là, comment les gens peuvent se définir un rapport identitaire au territoire, que ce soit urbain ou que ce soit vraiment, disons, plus nature, là, c'est assez fort. Puis je voulais voir comment les gens allaient pouvoir développer cet aspect-là. Donc, 8 artistes, dont 6 sont des artistes de la galerie, 2 artistes invités. Dans cette expo-là, on retrouve différents médiums, donc de la sculpture, du dessin, de la photographie, une œuvre cinétique. Oui. Je comprends en fait que les artistes ont été sélectionnés et non des œuvres. Donc, oui. Dans le processus, c'est vraiment une recherche par rapport aux artistes. Par rapport aux artistes, par rapport à leur démarche, à leur manière de travailler, les thèmes qu'ils avaient déjà abordés par le passé. Donc, c'est vraiment plus à ce niveau-là que moi, je les ai approchés. Oui. Il y en avait plusieurs que ça allait de soi, là. Si on parle, par exemple, de René Derouin, mais ça fait 50 ans qu'il aborde le territoire, puis comment c'est imprégné dans sa personne, dans son discours, dans sa démarche. Yvan Binet aussi, là, on le voit beaucoup dans ses œuvres récentes. Donc, il y a plein d'aspects comme ça qui allaient un peu de soi, comme qui me sont apparus comme ça dans mes questionnements puis dans mes recherches. Et ces artistes-là, ensuite, m'ont proposé des œuvres. Donc, OK. Donc, après ça, il y a eu une sélection à partir des œuvres produites ou qu'il y avait, ou qu'est-ce que, en fait, cette recherche-là, ce titre-là, les inspirait. Donc, est-ce que tu t'es promenée dans les ateliers? Comment peu, ça fonctionne? Oui, j'en ai fait un peu. J'ai pas pu tout les faire. Les artistes qui étaient à l'extérieur de Québec, malheureusement, j'ai pas pu les visiter, mais on s'est échangé des photos, puis on a pu parler. Mais oui, j'ai fait des visites d'ateliers. C'est toujours intéressant. Mais oui, puis dans l'espace, comment on fait pour faire cohabiter oui, toutes ces c'est pièces? Petit, la galerie Michel c'est pas énorme, effectivement. Quand même, avec 8 artistes, puis chaque artiste, il y en a quelques-uns qui ont plusieurs pièces. Qui ont plusieurs pièces, effectivement. Quand on parle aussi de sculpture, faire cohabiter ça dans l'espace, c'est pas juste des choses qui vont sur les murs. Il y en a qui m'ont demandé, bon, j'ai besoin de contraintes. Donne-moi des mesures des maximales. Okay. Il faut avant de se lancer. Un 3 pieds carrés. C'est ça. Donc, j'ai eu des petites surprises aussi. Une fois, on l'imagine, on se fait comme des petits plans. Puis là, finalement, quand l'œuvre arrive, on est comme, OK, bon, comment on travaille vraiment avec ça? Là, par rapport à cette œuvre-là aussi, comment ils ont réagi par rapport aux autres œuvres qui sont autour. Mm-hmm. Donc, le montage, là, est presque terminé. Oui, ça s'est très bien passé. Moi, j'ai eu la chance de voir les... Je suis allée passer Oui, on a déballé quelques œuvres ensemble. Ouais, c'était très excitant. Puis, presque terminé. Ça s'est fait aujourd'hui malgré la tempête. Okay. Et ça va être officiellement terminé vendredi. On va être fin prêt pour le vernissage samedi. Donc, oui, ça s'est bien passé. Okay. Et c'est qui les artistes, Sophie Jacques? Ah, on les a pas nommés encore! Oui. Oui. Ben, c'est ça, je t'ai demandé qui sont les artistes invités, mais les artistes de la galerie, qui est-ce qui t'a invité? Pourquoi? Qu'est-ce que ton petit doigt disait? Oui, donc si on... Je vais y aller, disons, en ordre d'accrochage, là, comment je suis allée aujourd'hui. Bonne idée. Diane Landry, une œuvre cinétique, donc une œuvre inédite à venir découvrir. Il y a souvent l'eau, le rapport à l'eau qui s'inscrit dans son travail. On parle de chute, on parle de mari, des choses comme ça. Mm-hmm. Donc, c'est souvent aussi le sens qui va émerger ou ça faisait du sens, oui. Diane Landry, pour continuer. Ensuite de ça, on a Jérémy Saint-Pierre, qui est en peinture, qui, dans les derniers mois, dernière année, disons, avait beaucoup là, du rapport critique en lien avec l'environnement, en lien avec les animaux, puis comment on habitait le territoire. Ensuite de ça, on a Jocelyn Robert, qui explorait dans la dernière année aussi là, le rapport aux lieux, surtout dans les villes. Cara Derry, qui est une artiste invitée, qui, elle, c'est très intéressant, explore les paysages temporaires, donc les amas de construction, les

de retour à l'aérospatiale et dans cette deuxième moitié d'émission, je m'entretiens avec Estée Préda qui est au bout du fil. Bonsoir Estée. Bonsoir Jean-Pierre. J'aurais aimé t'avoir en studio, mais la température nous oblige à être séparés l'une de l'autre. Oui, malheureusement, j'habite à comme 45 minutes environ de la ville, puis avec ma petite voiture, je pense que je ne me serais jamais rendue. Non, alors, ça t'aurait pris plusieurs heures, donc oui. T'es bien au chaud, au bout du fil. Et j'avais envie qu'on parle de l'exposition « In the Still of the Night oui. » qui a été présentée, là, qui se terminait aujourd'hui à Critérium. Et dans le descriptif de l'exposition, on dit « Souvenir lointain d'une chaude nuit d'été marécageuse ». Oui, c'est bien ça. C'est un petit souvenir que j'ai eu. C'est quelque chose qui m'est arrivé pour vrai. C'est rien de c'est un peu, c'est sûr que j'ai romantisé, je sais pas si c'est le bon mot, le souvenir. Mais c'était une nuit d'été ici à Fossambault-sur-le-Lac. Je me promenais dans la forêt, puis il était environ minuit, puis il y avait tellement de lucioles, j'avais jamais vu autant de lucioles, puis en tant que faire du camping, en tout cas, c'était une super belle nuit, puis il me semble que j'avais comme le goût de me replonger dans ce souvenir-là, avec toute la neige qu'on avait. Je pense que c'était juste un souvenir, une production d'exposition pour mon propre bien personnel, tout simplement. Donc, on parle de souvenirs lointains. On parle aussi... quand on parle de souvenirs lointains, il y a beaucoup d'imagination qui vient en quelque sorte altérer le souvenir. Et ça, c'est très, très présent dans tes œuvres. On est dans un monde imaginaire, dans un monde très, très inspiré aussi par l'univers des contes de fées. Oui, oui, oui, tout à fait. C'est sûr que ça, c'est quand même un petit côté un peu subconscient que dans mon univers que j'analyse pas trop. C'est vraiment, je le peins sans y penser. Puis j'aime ça aussi laisser mon imaginaire aller. Puis c'est comme un peu une analyse un peu personnelle aussi, si on veut là. Donc c'est pour ça que je sais pas trop qu'est-ce que mes toiles ou mes œuvres représentent. J'aime ça que chaque personne puisse avoir y faire sa propre interprétation. C'est ça que je trouve plus intéressant. Et bon, parlant d'interprétation, c'est sûr que moi je suis allée voir l'exposition en fin de semaine, on s'est croisés et je trouvais qu'il y avait beaucoup d'éléments évidemment végétaux, des éléments animaux qui vont cohabiter avec des figures humaines, des figures semi-humaines, mais il y a quelque chose beaucoup de la miniature dans ton travail parce que les humains se retrouvent un peu rapetissés au format des fourmis des fois là. Oui, oui, toute proportion, on perd le sens de la réalité. Tout est rendu. Ça, c'est quelque chose que j'aime jouer avec les proportions. Aussi, à la base, c'est parce que je trouve que c'est juste intéressant un peu de jouer avec ce qu'on voit, avec les choses auxquelles on est habitué à voir. Puis je trouve ça juste amusant, en fait, de jouer avec les proportions des c'est comme t'as vu dans mes petites, dans quelques toiles, j'ai genre des poires qui sont énormes, puis par rapport à des humains. Là, c'est fait, en tout cas, c'est vraiment une façon amusante de créer un univers. Je pense. Et si on revient à cette idée de la nuit qui fait partie de ton titre, qui fait un peu partie de ton thème, tu travailles à la gouache et à l'encre. Ça te permet des jeux de transparence, d'opacité avec cette encre, probablement de l'encre de Chine. Et tu as créé aussi toute une série avec des fonds noirs. Il y a quelque chose d'un peu plus inquiétant aussi qui se dessine dans ces univers-là. Oui, en fait, mes dernières œuvres avant cette expo-là, j'avais beaucoup de fonds blancs, tu sais, j'avais beaucoup de choses. Ça avait l'air tout le temps dans un grand néant blanc, vide, épuré. Puis on dirait que j'étais comme tannée de ça. Puis surtout aussi, vu que c'est un thème un peu le souvenir de nuit, je pense que ça se ralliait bien avec l'image que j'avais de mon souvenir, que j'étais dans la forêt, que c'était noir, tout ce que je voyais, c'était des lucioles, tout ce que je voyais, ça pouvait être mes yeux pouvaient me jouer des tours. Fait que c'est un peu ça que j'ai essayé de capturer avec ma petite série de 15 morceaux en noir. Une très belle série d'ailleurs là, ça amène une autre perception des couleurs d'avoir des fonds noirs comme ça. Donc cette exposition là se terminait malheureusement aujourd'hui, on pourra pas aller la voir, mais on va en profiter pour parler un peu de toi, Estée Préda. T'es artiste. Tu as déjà exposé à Regard avec Canadian Bacon à Critérium aussi, c'est ta deuxième exposition. Mais tu vis de ton art, tu es illustratrice. Oui, oui, exactement. Je travaille pour des magazines. J'ai fait beaucoup d'illustrations pour le Globe and Mail récemment, pour la section des, c'est plutôt pour la réflexion des petites histoires que les gens envoient pour au journal, des choses comme ça. Puis je travaille pour le Simons. J'ai fait une belle collection avec eux, deux collections en fait, il y a 2 ans. Puis ouais, c'est ça. L'illustration, c'est vraiment mon gagne-pain. C'est à la base de mon travail. C'est pour ça que je pense aussi que mon art est très illustratif. Quand je fais des expositions, je pense que je suis liée à l'illustration, que je le veuille ou non. Donc c'est pour ça. Et t'as un style très très reconnaissable. Est-ce que tu peux nous parler un peu comment ça s'est passé cette collaboration avec la maison Simons? Donc t'as fait deux collections Twic, donc des vêtements sur lesquels il y avait des broderies de tes illustrations qui étaient appliquées. Est-ce que c'est eux qui sont allés te chercher? Comment ça s'est passé? Oui, tout à fait. C'est eux qui m'ont approché. Ça a été une super belle expérience. Les filles de Simon sont super gentilles, super faciles de travailler avec eux. Ils m'ont littéralement donné carte blanche. Je leur ai écrit une petite illustration basée sur le thème du printemps, parce que c'est une collection qui sortait au printemps. La première qu'on a faite ensemble en 2017. Puis ça a été super simple. À partir de là, on a dérivé les illustrations pour les mettre sur différents morceaux, puis on a créé une collection ensemble, puis on a fait une super belle collaboration. On a fait un petit vidéo aussi, puis on parlait de comment ça s'est passé de travailler ensemble, puis on parlait de mon art aussi. Super belle expérience. Et là, tu dis que la maison Simons t'avait donné carte blanche pour créer un univers, des illustrations pour leur collection. Mais ça marche pas toujours comme ça dans le domaine de l'illustration. J'imagine que, par exemple, tu parlais du Globe and Mail tout à l'heure. Tu lis le texte et tu l'illustres. Comment ça fonctionne? Oui, ça c'est vrai c'est clair que des contrats comme le Simons, c'est vraiment les plus beaux. Puis ils sont pas si rare que ça, mais quand même plus rare que les illustrations qu'il faut que je fasse, par exemple, pour le Globe and Mail, où je suis apportée à interpréter un texte qui a été écrit par quelqu'un d'autre, donc qui, déjà là-bas, c'est pas mon univers. Puis le défi, c'est de pouvoir rallier l'univers de la personne qui l'a écrit au mien. Puis c'est sûr que là, il y a des trucs, là, j'ai des trucs d'esthétique qui reviennent tout le temps, mais justement, comme tu disais, mes œuvres, ils ont beaucoup de végétation, de fleurs. Donc ça, c'est quelque chose que je peux réutiliser, mes palettes de couleurs, je peux réutiliser ça. Mais des fois, c'est sûr que ça sort un petit peu de mon univers, mais c'est toujours un bon exercice, je trouve, quand même, de sortir de ma zone de confort. Ça fait vraiment évoluer, ça, c'est sûr. Et c'est un exercice de collaboration. Est-ce que t'es mise en lien directement avec l'auteur, ou c'est vraiment l'équipe d'édition qui fait les choix? En fait, je me fais envoyer un texte. Mm-hmm. Moi, je suis jamais en contact avec l'auteur. Puis, eux aussi me donnent quand même carte blanche jusqu'à un certain point. Le Globe and Mail, c'est super facile de travailler avec eux, en tout cas de mon expérience. Il faut tout simplement que la seule condition, c'est que l'illustration features, je me rappelle pas de ce mot-là en français, je suis désolée. Il faut qu'il y ait un petit élément de l'histoire dedans. Alors, tant qu'on y retrouve un élément de l'histoire, ils sont assez contents. Ils sont pas très, très difficiles à ce niveau-là. Tu travailles également, tu fais des illustrations pour la maison d'édition Alto, tu fais des couvertures de livres. Est-ce que c'est à peu près le même type de contrat, le même principe que pour ce qui est des périodiques de magazines, ou la nature de la collaboration est différente? Je dirais que j'ai fait une seule couverture de livre avec Alto, puis quand même, je pense que ça, c'est un peu plus étudié dans notre façon d'approcher le contrat en tant que collaboration, parce qu'il faut être sûr que tu sais, ça se vende, que ça soit bien présentable. Il y a comme un peu plus, je pense qu'il y a plus à perdre si c'est pas bien fait, parce que c'est une couverture de livre. Les illustrations pour le Globe and Mail, ça passe une fois par jour ou par semaine dans le journal, puis après, c'est dans la section des... C'est comme dans la section des soumissions des gens. Donc, je dis pas que c'est pas important, mais je pense que quand il y a surtout quand on produit des livres, puis que ça coûte dans les dizaines de milliers de dollars d'imprimer des couvertures, c'est quand même beaucoup plus étudié, puis il y a plus de travail derrière ça, puis il y a beaucoup de brouillon à faire, puis juste pour être sûr d'arriver au bon résultat, puis que tout le monde soit content. Autant l'auteur aussi. Je pense que les maisons d'édition sont peut-être en lien, et je pense qu'ils parlent peut-être plus avec les auteurs pour voir s'ils sont contents du résultat. Donc, Ça, c'est quand même, c'est un peu plus difficile comme contrat, ça. Donc, un travail qui est de plus longue haleine. Et l'auteur, à ce moment-là, a plus un droit de regard sur ton travail. J'imagine que oui. J'ai jamais été en contact avec les auteurs. Okay. Moi, je suis avec la maison d'édition, mais je sais que les maisons d'édition, des fois, peuvent leur demander leur feedback, ces choses-là. Donc, je pense qu'il y a quand même quelque chose de plus délicat dans ces genres de travaux-là. Donc, Esté Préda, on en parlait, tu fais des expositions, tu as des contrats d'illustration, mais monsieur, madame, tout le monde, nous, on peut aussi acquérir de tes productions, là. Oui, tout à fait. En fait, même l'exposition, si les gens l'ont manqué, malheureusement, la journée de l'ouverture puis du finissage, il y avait deux tempêtes, donc si les gens n'ont pas eu le temps d'aller la voir, il va y avoir des photos sur mon site web bientôt. Et les œuvres qui n'ont pas été encore vendues seront en ligne aussi via mon site web qui est stpreda.com. Donc, ça peut être encore vu si ça a été manqué. Et tu as également une boutique Ticktail en ligne. C'est ça. Oui, tout à fait. Ben, en fait, c'est là-dessus que je vais mettre les œuvres. C'est stpreda.ticktail.com. Puis ça peut se trouver à partir de mon site web, tout simplement. Tous les liens sont là. On peut également acquérir des droits pour des tatouages. Oui. Ben, en fait, c'est vraiment à la mode de faire ça, de demander à des illustrateurs de créer des illustrations pour être tatoué par un tatoueur par la suite. Puis je trouve que c'est quand même le fun. Moi, je suis vraiment intéressée par le tatou, mais je trouve ça trop difficile, tatouer. Alors, j'aime quand même faire des petits contrats de tatou pour les gens. Soit un tatou custom, ou tout simplement, si quelqu'un veut utiliser quelque chose que j'ai déjà peint, ben c'est tout à fait possible. Puis ça se trouve aussi sur mon site web, toutes les informations sont là. Puis je trouve que c'est une belle collaboration entre l'artiste tatoueur et la personne qui fait le dessin. Puis tout le monde est content en bout de ligne. Est-ce que tu as beaucoup de tatou à ton actif? Quand même, c'est honnêtement là, je me fais demander quand même assez souvent. Il y a des périodes qui sont plus intenses que d'autres, mais j'aimerais dire un chiffre. En tout cas, que des illustrations et de tatous que j'ai vus moi. Je dirais peut-être une cinquantaine, quelque chose comme ça. En tout cas, merci beaucoup à Esté Préda de t'être prêtée à l'entrevue comme ça au téléphone. C'est pas toujours facile. On va découvrir ton univers sur estepreda.com et comme on disait, on peut également acquérir de tes productions. Parfois c'est des productions uniques, parfois c'est des productions en série sur ta boutique. Et nous, on va écouter une pièce audio et au retour, ça va être l'agenda de la semaine. Bonsoir, Esté. Thank you. Alors, je me suis encore trompée avant la pause. On n'est pas rendu au moment de l'agenda de la semaine. Je vous ai préparé un survol des éditions de l'hiver 2019 chez les revues spécialisées en arts visuels. On va faire un petit tour de toutes ces nouvelles sorties. C'est toujours intéressant de se plonger dans la lecture et la réflexion un peu plus approfondie aussi sur l'art actuel, ce qui se passe ici, ce qui se passe ailleurs. Et on va commencer par la revue Inter, Art actuel, qui est une revue qui est éditée ici par le Centre Le Lieu à Québec. Et le thème de l'édition qui vient de sortir, le lancement était la semaine dernière, c'est « Nouveau terroir, réinventer les territoires ». Donc, c'est sous la direction de Luc Lévesque qui propose de réfléchir aux spécificités locales sur les territoires, à l'ère de la mondialisation, de l'uniformisation culturelle. Puis c'est drôle parce que moi, je fais des liens là, avec l'entrevue qu'on vient d'avoir avec, avec Sophie Jacques à propos de son commissariat. Donc, les territoires qui sont réactualisés avec une ouverture sur le monde aussi parce que la spécificité peut aussi se réfléchir dans l'enfermement, mais c'est une invitation également à réfléchir les terroirs avec une ouverture sur le monde. Donc, le territoire devient comme un lieu de résistance aussi, en quelque sorte. Et c'est le potentiel des espaces ruraux qui est exploité par les artistes qui sont à l'honneur dans cette édition de Inter Art Actuel. Comme je disais, c'était lancé la semaine dernière. Il va y avoir une table ronde à Méduse la semaine prochaine. Suivez ça sur le site du lieu Inter Art Actuel. Il y a près de 25 articles dans le dossier, donc on ne fera pas le tour, mais je vous en ai retenu un qui m'a charmée tout particulièrement. Là, il y a Chantal Gaudreau qui a fait un article très étoffé sur Fogo. Fogo qui est une île au large de Terre-Neuve et qui offre un programme de résidence pour les artistes très, très particulier. Du côté de la revue Espace, c'est le titre de la revue, c'est Point de vue animal, et le rédacteur en chef André-Louis Paré met de l'avant les pratiques artistiques où l'animal n'est plus considéré comme un objet, mais comme un sujet qui est doué de sensibilité, capable d'intelligence, qui est presque doté d'une certaine culture en quelque sorte. Donc, c'est une invitation à reconsidérer le rapport entre les humains et les animaux, mettre des animaux à contribution, par exemple, pour la création artistique. Donc, des pratiques artistiques avec une attitude qui est plus curieuse, plus empathique à l'égard des animaux. Et on parle d'empathie. Je vais faire un lien avec la dernière édition de S, qui est sur le thème de l'empathie, et la directrice Sylvette Babin, dans son éditorial sur le dossier, soulève notamment que le fait qu'on éprouve plus souvent de l'empathie pour ceux et celles qui nous ressemblent, parce qu'on les comprend mieux, leur contexte de vie, etc. Alors, elle pose la question de savoir si les œuvres peuvent nous sortir de notre zone de confort empathique et de nous amener à éprouver de l'empathie pour des gens qui nous sont plus éloignés par leur origine géographique ou socio-économique. Du côté de CV Photo, c'est l'espace de la couleur, le thème, et le rédacteur en chef Jacques Doyon va s'attarder à différentes façons dont la couleur peut être explorée en photographie, soit en étudiant les jeux de lumière et leurs possibilités de décomposition optique, ou parfois avec la manipulation du médium photo en soi, avec la pellicule ou le papier photo, ou encore en cherchant des sujets colorés à prendre en photo dans la ville. Donc, le dossier là, avec les portfolios inclut notamment une présentation du travail de Yann Pocrou, dont Anne-Sophie Homère nous avait parlé, elle était revenue sur sa conférence qu'il avait fait à l'œil de poisson il y a quelques semaines. Donc, j'aimerais remercier la Chambre blanche de m'avoir prêté la majorité de ces périodiques-là parce que je ne suis pas abonnée à tous les périodiques, mais ils sont tous actuellement disponibles en kiosque. On va prendre une petite pause musicale et au retour, c'est vraiment l'agenda de la semaine. On va parler Manif et moi multi et autre chose. Thank you. Je le disais avant cette douce pièce musicale de Pléiades, de l'album de Pléiades de Krang. Cette semaine, c'est une semaine qui est sous le signe de Manif d'art et qui est sous le signe du mois multi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se passent, donc beaucoup de vernissages. Il va y avoir une tournée de vernissages demain pour... après-demain pour Manif d'art. Et samedi également, il va y avoir une soirée de vernissage samedi soir avec une collaboration entre le mois multi et Manif d'art. Je vous invite tout simplement à aller consulter leur site, vous inscrire. Il reste encore des places pour des tournées en autobus pour pouvoir faire le tour, mais sinon les centres sont ouverts et vous attendent également de manière individuelle. Je voudrais également ne pas oublier L'enfant géant de Simon Dawes à Pêche Sherpa. Et j'aimerais terminer cette émission en remerciant nos invités Élise Paquiri, Marie-Soleil Guérin, Girard, Esté Préda et Sophie Chac. Merci à Marie-Claude Drolet pour sa collaboration d'aujourd'hui. Merci également à Jacques Gignac, le Serge Lemoine de la mise en onde. Et merci à Simon Roy pour les ambiances musicales contrastées aujourd'hui. Je vous invite à rester à l'écoute de CKRL 89.1. Au retour de la pause, ça va être Pierre Blais et son équipe qui vont prendre le contrôle du studio pour parler de cinéma. C'est l'émission Situation critique qui suit. Je vous souhaite une bonne semaine sous le signe de l'art et on se reparle la semaine prochaine. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Le Radiothon de CKRL, c'est les 29, 30 et 31 mars prochains. L'objectif est de 42 000 $. Soyez solidaires en contribuant financièrement au développement de votre radio communautaire. Faites un don de 20 $ et plus avant le 29 mars 17h et courez la chance de gagner le prix culturel pré-Radiothon offert par la Caisse d'économie solidaire Desjardins, comprenant 4 billets pour le concert de la série Apéro, l'heure est grave, 2 billets pour la pièce Les choristes et 2 billets pour le spectacle de Tire le coyote. Vous voulez faire un don? Allez sur ckrl.qc.ca ou au 418-640-2575, poste 201, ou encore passez à la station au 405 3e avenue Limoilou. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL. 13 février, Journée mondiale de la radio. Les ondes vont s'envoler jusqu'à vous. World Radio Day. À la librairie Pantoute, les livres sont testés sur des libraires. Ce mois-ci, Isabelle, de la succursale de Loretteville, vous suggère « Nous sommes là » d'Oliver Jeffers aux éditions Kaléidoscope. L'auteur nous charme avec ses histoires simples, drôles et intelligentes. Ses illustrations colorées nous expliquent ici la nature dans son ensemble. Un livre à offrir à tous les nouveaux parents. Et Stéphane, de la succursale de Saint-Roch, vous propose « Felipe, une légende dominicaine » de Peter Kerazotis aux éditions Urtubiz. Ce livre nous montre la vie abracadabrante de Felipe Alou, notre monsieur baseball à nous. Un parcours passionné et passionnant à dévorer pour faire passer l'hiver. La librairie Pantoute, une librairie indépendante, des libraires passionnés et plus de 50 000 titres à vous proposer. 1100 rue Saint-Jean et 286 rue Saint-Joseph-Est.